nous avons une exigence de résultat. La culture du résultat de la performance a toujours été au centre de mon action. Nous ne devons avoir aucun tabou à l'égard des chiffres. Et j'ai toujours préconisé la plus grande transparence. Quand les chiffres ne sont pas satisfaisants, l'attitude responsable ne consiste pas à les dissimuler, mais bien au contraire, à prendre les mesures nécessaires pour qu'ils s'améliorent. Et quand ils sont bons, il est juste de le dire et de vous en féliciter. C'est ainsi, quoi qu'en disent certains, à la mémoire certainement trop courte, que des progrès considérables ont été accomplis depuis 7 ans. Le nombre de crimes et délits a diminué de près de 15% entre mai 2002 et mai 2009. Il avait augmenté dans les mêmes proportions au cours des années précédentes. Sur la base du pic sans précédent atteint en 2002, 2 millions de crimes et de délits ont été évités à nos compatriotes. Jamais le taux d'élucidation des affaires n'a été aussi élevé. Il était de 25% en 2002, il dépasse les 39% au cours des 3 derniers mois. Ces résultats, mes chers compatriotes, ne sont pas fictifs. Ils ne sont pas manipulés. Ces résultats correspondent à l'exploitation de l'état statistique 4001, dont les bases sont inchangées depuis le début des années. Mais il faut tout autant dire la vérité quand surviennent des évolutions moins favorables. Si on veut que la parole publique retrouve de la crédibilité, il faut de la transparence et de la vérité. Et les résultats de ces derniers mois contrastent avec l'évolution observée depuis 7 ans. Oui, chef.